c'est une chanson, Phil. J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Mais je sais que demain matin, j'aurai du mal à me lever. Ah, si t'as un texte, Phil, c'est avec plaisir que je vais improviser dessus. Mais c'est bon, ça. Ok. C'est long toujours. La route est longue toujours, très longue et parfois mangée. Ça sature ma basse, hein. Ouais, moi non plus. Enfin, la batterie, elle est pas synchro sur moi.